héritier du ciel, enfant de Dieu, il devenait pur. Donc, le pouvoir du sacrement du baptême, c'était là. Ça, c'est mon arrière-plan à moi. Et quand cet enfant-là vieillissait, il avait ce qu'on appelle dans mon temps l'âge de raison. Qui est assez vieux pour voir ça? Encore la même gang. OK. Il avait l'âge de raison. Puis l'âge de raison, c'était environ 6-7 ans. Là, il était assez vieux pour qu'on lui explique des choses, là, cet enfant-là. Puis là, il pouvait communier. Il pouvait aller à la communion, se confesser, puis aller à la communion. C'est comme ça que j'ai été élevé comme ça pendant toute ma jeunesse. Puis quand j'ai commencé à vieillir, ou est-ce que j'ai devenu vers l'âge de 30, 40 ans, dans notre société, il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui le New Age, le Nouvel Âge. Et là, on commençait à parler où ce que les enfants venaient au monde, c'était des petits anges, puis ils étaient fins, puis ils étaient beaux, puis ils étaient peu, ils étaient sans tâche, puis c'était les mauvais, c'était nous, les parents. C'est la société qui rendait ces petits anges-là mauvais. Vous avez entendu ça probablement, ou vous avez peut-être lu. C'est la faute de mes parents, c'est la faute de mes grands-parents. C'est l'enfant vient au monde pur. C'est la société qui le rend mauvais. Les plus jeunes, là, qui avaient 40 ans et moins, c'est probablement ça que vous avez entendu le plus. C'est un petit ange. Là, la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'est-ce qu'il devient un petit diable? Quand des fois, on entend ça aussi. C'est un vrai petit diable, lui. Mais quand est-ce qu'est-ce qu'il fait le switch? Pas facile à expliquer. Et dans le monde évangélique, il y a ces différentes positions-là. Vous allez entendre des hommes parler et dire... Qu'est-ce qui arrive avec tous ces enfants qui meurent? Parce que nous, en général, les évangéliques, on va dire que dès la conception, l'enfant est un être humain. En général, on dit ça chez les évangéliques. Puis là, mais tous ces millions qui se font avorter, on se demande qu'est-ce qui arrive avec eux? Où est-ce qu'ils s'en vont? Là, je veux pas de réponse ce matin. Je veux pas que personne donne sa réponse. Gardez ça pour vous. Mais pensez-y. Où est-ce qu'ils s'en vont, eux autres, quand ils meurent, ces millions d'avortés-là, si c'est des êtres humains, dès la conception? Ils s'en vont où? Il y en a qui disent qu'ils s'en vont tout au ciel. D'autres disent non, ils s'en vont pas au ciel. J'ai entendu un professeur me dire à Sambek, tous les élus parmi ces enfants-là s'en vont au ciel, les autres ne vont pas. Chacun avait ses positions, mais c'est pas facile à expliquer après. Tu peux donner ta position, mais explique-moi-la. Montre-moi par les Écritures où est-ce que tu vas chercher ça. D'autres parmi les évangéliques disent que les enfants... qui meurent, qui se sont pas convertis, sont pas convertis. Donc, s'ils sont pas convertis, la conclusion, c'est qu'ils vont pas au ciel. Pas facile, hein, d'expliquer ça. C'est quoi votre position à vous? Dites-moi-le pas. C'est quoi votre position à vous ce matin? Qu'est-ce que vous pensez? Si vous aviez un enfant d'un an qui meurt, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui arrive à cet enfant-là? Une fois, j'étais en train de faire de l'évangélisation, et j'allais dans une maison, et je cogne, puis c'était du porte-à-porte dans le temps. Je cogne, puis la madame, une jeune femme dans une vingtaine, 25 ans, 26 ans, elle me fait rentrer, puis là, je me présente que je suis un chrétien évangélique, puis tatatata. Elle dit rentrer, on s'assied à la cuisine, puis là, je réalise qu'elle a les yeux un peu pochés, un peu rouges. Donc, je l'imagine qu'elle a pleuré à quelque part. J'imagine ça. Et puis là, elle dit, moi, j'ai une question pour vous. J'ai dit, oui. Puis là, elle me pose la question que je ne m'attendais pas qu'elle me pose. Qu'est-ce qui arrive avec les enfants qui meurent à bas âge? Un mois. Qu'est-ce qui arrive avec les enfants qui meurent? Et là, je me suis dit, on a perdu un. C'est la question que je me suis posée. On a perdu un. Et j'ai demandé. J'ai dit, est-ce que tu as perdu un enfant? Elle dit, mon enfant est mort. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Qu'est-ce que vous dites dans ce moment-là? C'est pas évident de le dire. Puis de le dire avec que ça fait du sens pour cette personne-là. J'ai donné une réponse à elle, qui est une non-croyante, mais qu'est-ce que je dirais aussi à un croyant? Lui qui a une autre compréhension de la vie, une autre compréhension du ciel, de la terre, une autre compréhension de la nature humaine. Pas facile d'expliquer ça. Et ce matin, on va y aller dans cette direction-là. Hier, on a vu au mariage qu'il faut descendre dans le négatif pour arriver au positif.

je vais vous dire une chose, qu'est-ce que vous faites à l'église le matin? Si vous êtes parfaite, allez rester chez vous. Pas besoin d'être ici. Si vous êtes parfait, vous avez besoin d'être ici. Mais on n'est pas parfait dans la chair, ça c'est pas là. Donc c'est très noir, c'est très négatif. Il y a des gens, une fois je parlais avec une psychologue, elle a dit, je suis surpris. Elle m'a dit ça comme ça, je suis surpris que tu n'es pas à l'asile. Pas très encourageant, c'était pas mal noir. Elle dit, avec l'opinion que tu as de toi, je suis surpris que tu ne sois pas à l'asile. On peut pas le mot asile, mais c'est ça que ça voulait dire. Là. Elle voulait dire que tu n'étais pas en psychiatrie, que tu n'étais pas en train de devenir fou, dépressif ou suicidaire. Et je lui ai dit, c'est parce que vous avez entendu juste la moitié de l'histoire. Laissez-moi vous conter l'autre côté de l'histoire. Mais si je compte juste la moitié de mon histoire, c'est vrai que quelqu'un qui se regarde de même, qui se décrit comme ça, passe pour un peu malade dans sa tête, qui n'est pas correct, qui est trop négatif. Comment tu fais pour te regarder dans le miroir si c'est ça que tu penses de toi? Mais là, on va tourner vers le positif. Qu'est-ce que Dieu dit? Je t'ai regardé comme ça, tu étais comme ça, et je t'ai aimé comme ça, et tu es encore de même, et je t'aime de même. Mais il est arrivé quelque chose dans notre vie, entre-temps, pour nous les croyants. Donc, on va lire à partir du verset 4. Mais Dieu, c'est pas mais François, mais Dieu. Dieu a regardé François, verset 1 à 3, mais Dieu, il a fait de quoi? Dieu a fait un pas vers moi. Dieu est venu vers moi. Moi, s'il ne serait pas venu vers moi, savez-vous où je serais matin? Je serais à Saint-Rémy, sur le chemin des vaches, puis je maudirais encore Dieu. Je serais encore là. Pas plus fin que ça. Je serais encore là. Hein? Tu passes vite, toi. Tu passes très vite. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Vous voyez le mot riche, je vais revenir à quelques reprises. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On va arrêter là. Je vais prendre le verset 10 tout seul à la fin. Donc, Dieu bouge, et qu'est-ce qu'il fait? Dieu bouge à cause de ce qu'il est, premièrement. À cause de ce qu'il est. Ferme la lumière, Daniel. Nommez-moi les attributs que vous avez vus dans les versets. Oui, ben Dieu, les attributs de Dieu qu'on a vus dans le verset. Amour, miséricorde, sa bonté, miséricorde, amour, bonté, grâce, et gracieux, c'est Dieu gracieux? Bye, Francine. Je n'ai pas le choix, sinon je serais vraiment restée. OK. Bonne journée. Donc, on a vu au moins 4 attributs, là. Sa bonté, son amour, sa grâce, sa miséricorde. Et on les a tous, il y en avait 4. Dieu, à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il est, il va intervenir dans ma vie. Pas à cause de ce que je suis, à cause de ce qu'il est, il regarde le pauvre gars ou la pauvre fille du verset 1 à verset 3, il les regarde, il a regardé Paul sur le chemin de Damas, il l'a regardé, puis il dit, à cause de ce que je suis, je vais intervenir dans ta vie. Je vais venir vers toi. Et je vais faire quelque chose que tu ne peux pas faire.